C'est toujours au freestyle que je m'installe, j'ai le corps de billet. Qui aurait cru? Quand je m'en vais, je finis par maison. Je me tiendrai de mon coucou, chanter dans mon freestyle de mélodie. Sorti de femme, tout est que ça là pour faire danser. Je remercie le tout puissant de m'avoir donné l'inspiration pour vous enjailler. Les nanas, les papas, les bras, mon corps. Aujourd'hui, on va tout mélanger. Carnaki, carnaki, bande, co bande, co bande. La mise en sorte, quoi, t'as la hip, t'as mêlée, y'a pas l'homme. Allons, c'est tout le monde. Yeah! Soudain, faut danser. Soudain, allez, faut danser. Mami Charlie, je veux pas pour danser. Le mal fait nous mêmes. Ma bouteille n'a l'homme et la gamme à mon père. Maïk Baba Azi, ma mentalité n'est pas dans les couffins à seul. Mais c'est l'ombre qui l'ombre et la gamme à ma bouteille. Maman fille le même. Bébio, jusqu'à un peu d'amour. Scoffi premier. Chupa. Il suffit ça de mêler. Chaka, chaka, chaka, t'es le DJ. Faut danser, allez faut danser. Lève pas pour danser. On va lever les mains tout le monde, hein. C'est la façon de lancer perso. C'est freestyle. Dans sa Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh